Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en toujours pas direct pour l'avant-dernière émission de la saison 2020-2021. À noter que cependant, on est en train de se prévoir un petit retour en direct live pour la dernière émission avant la pause annuelle estivale. Voilà, donc attendez-vous à un direct live le dimanche 4 juillet depuis donc les studios de Radio Béton. Peu de renouvellement dans l'émission de cette semaine, seulement deux nouveautés et le retour dans le mois des petits focus dispensés par l'ami Thibaut. Ouverture d'émission avec une des deux nouveautés, dans la doublette, les vétérans de At The Gates, le groupe qui a donné ses lettres de noblesse au Swedish Melodes. At The Gates sort seulement son 7e album studio, The Nightmare of Being, une sortie prévue le 2 juillet via Century Media. At The Gates a beau être super culte, la discographie est un petit peu courte, en même temps il y a eu un split de pas mal d'années. Troisième album studio depuis le retour aux affaires de At The Gates. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout simplement, ce troisième album du retour est complètement dans la lignée des deux précédents. Rien d'innovant, peut-être même un petit poil redondant. Cependant, ça reste toujours super bien foutu et ultra quali ce que nous propose At The Gates. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ça aussi, entre vraiment l'ambiance Melodes, très Swedish, atmosphérique, et quelque chose de beaucoup plus frontal et en même temps ultra catchy. Donc voilà, là on va s'écouter le titre qui ouvre de l'album, titre d'ouverture qui a lui-même une intro justement, vous allez voir, très mélancolique, mélodique, avant que ça parte et que ça envoie quelque chose qui tartine et qui percute. Et en doublette, d'autres vétérans venus d'Europe également, Pestilence, le groupe de Death, Tech Death venu de Hollande, qui sort son nouvel effort studio. C'est le Patrick Mameli Pestilence, puisque voilà, ça transite pas mal au niveau des Icos. Pour rappel, deux nouvelles recrues, un batteur, et c'est tout en fait. Non, nouvelle section rythmique, pardon, c'est ça. En 2019, nouveau bassiste et nouveau batteur pour Pestilence. Les présentations sont faites pour la doublette d'ouverture de ce soir. At The Gates, le titre Spectre of Extinction. Pestilence, le titre Deificus, extrait de leur nouvel effort studio Exitivum. Bienvenue dans l'émission. We'll be right back.

Doublette suivante, on est toujours dans le troisième âge, putain, ce roi sur la prod des main stage du Hellfest. Oh, je taquine. Doublette suivante, donc des vétérans, encore une fois. Halloween, tout d'abord, le groupe de Heavy Power allemand. Retour aux affaires de ces deux ex-vocalistes, Kay Hansen et. Putain, j'ai bouffé le nom de l'autre. Voilà, Halloween officie à trois voix dorénavant. Michael Kiske, voilà, putain, c'est en vous parlant que ça me revient. Voilà, qui viennent épauler Andy Deris sur ce nouvel effort studio. Un album éponyme pour Halloween, déjà dispo chez Nuclear Blast. Et dans la foulée, les vétérans du Heavy Epic Doom Series Ungoal. Nouvel EP Half Past Human, qui fait suite à l'album du retour d'il y a un ou deux ans. Une sortie sur la label Metal Blade Records, déjà disponible. Fear of the Fallen pour Halloween. She Loves Lair pour Series Ungoal, c'est parti. Stand your ground, my friend. Refuse, and your fall goes hand in hand. Decide. Is this the life you're chasing? Decide. Is this your own heart beating? Is this you who is feeling? Decide. Here comes the shine and stand your ground, my friend. The world will sure change in the end. Decide. Oh, On attaque déjà la troisième doublette dans cette émission Hellbanger, et cette troisième doublette va être ouverte tout de suite par un focus. Donc je vais laisser l'ami Thibaut prendre la parole pour les minutes à venir. C'est parti, à toi la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce premier focus de la soirée, on se penche sur un vieux groupe de thrash black allemand, Desaster. Un groupe qui s'est formé donc en 1988. C'est un groupe qui pour moi est passé complètement inaperçu, alors de manière assez étonnante parce que ils en sont quand même à leur 9e album. Et surtout faut voir la qualité de ce qu'ils proposent sur l'ensemble de leur discographie. Et donc forcément les premiers albums sont dans le jus de l'époque parce que donc le premier est sorti en 96. Il s'intitule A Touch of Medieval Darkness. Un album qui est excellent et qui clairement sonne assez moderne en fait par rapport à ce qui se faisait à l'époque en termes de production et d'enregistrement. Et voilà, c'est un album qui est également à la fois marqué par les influences de la première vague de black metal, et particulièrement on sent un petit peu d'inspiration quand même qui vient de Venom, même si le groupe s'est largement éloigné du côté speedthrash de ce groupe. Mais on a aussi pas mal de choses qu'on sent venir clairement de la seconde vague norvégienne, et du coup ça donne un mix assez incroyable, et surtout Desaster propose déjà quelque chose avec une identité très très forte. Je me suis un peu attardé sur le premier album, mais du coup dans les albums suivants en fait Desaster va vraiment faire évoluer sa musique vers quelque chose qui est toujours sans être trop moderne, mais vraiment en s'adaptant à l'air du temps et en restant pas du tout cantonné dans quelque chose du début des années 90, ils vont vraiment évoluer. Et pour citer quelques noms d'albums quand même, des périodes marquantes, on a, je trouve, une petite période à vide, particulièrement sur l'album Divine Blasphemies, donc que je vous recommande pas forcément à écouter en priorité. Par contre, il est suivi de, pour moi, vraiment un des meilleurs albums du groupe, c'est Angel War, qui est vraiment une petite pépite, et quitte à commencer, autant écouter celui-ci directement. Comme je le disais en début de chronique, donc, le groupe sort là son 9e album, intitulé Churches Without Sins, et il est sorti le 4 juin, signé chez Metal Blade Records. Voilà, alors je m'attarde pas trop sur la pochette de l'album, elle est parfaitement en adéquation, on regarde la pochette, on sait ce qu'on va trouver à l'intérieur, et c'est parfaitement réussi à ce niveau-là. Maintenant, sur le contenu de l'album, c'est un très bon album, encore, de la part de Desaster. Qu'est-ce qu'on peut dire réellement dessus? On continue donc dans du thrash black, fait avec les tripes et complètement viscéral. Il y a une production qui est massive, c'est vraiment super plaisant d'écouter quelque chose d'aussi puissant. Même si Desaster a toujours eu un petit peu cette volonté-là, là je trouve que la production est encore plus performante que d'habitude. Et musicalement, ça groove, c'est puissant. On a quelques passages de purement black metal qui sont saisissants. Enfin vraiment, c'est à vous retourner les tripes. Et à côté de ça, c'est hyper mélodique, on a des riffs qui nous restent en tête. Le chant, il est parfaitement équilibré dans le mixage et il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Après voilà, moi je m'attarde rarement sur l'aspect purement technique en termes de maîtrise des instruments et tout ça, parce que je suis pas musicien, c'est pas quelque chose que je connais plus que ça. Mais en tout cas au niveau des compositions, c'est encore un 100% de réussite pour le groupe. Et voilà, alors cette chronique, au-delà de l'idée de vous présenter ce nouvel album, c'est aussi de vous recommander ce groupe que moi personnellement je viens de découvrir. Et vraiment, il y a 9 albums, c'est 9 albums à écouter, à part un qui est vraiment un petit peu plus léger que les autres, mais sinon, jetez-vous sur la discographie du groupe, c'est vraiment du super bon boulot. Et donc, pour conclure cette chronique, on s'en écoute un morceau. Pour ce soir, j'ai choisi Exile is Imminent. C'est un morceau beaucoup plus black metal que les autres, mais je le trouve vraiment excellent. Et voilà, ça nuance un petit peu avec le morceau qu'on vous avait passé la semaine dernière, qui était beaucoup plus trash. Voilà, et donc pour illustrer le premier focus de l'émission d'aujourd'hui, focus consacré à Desaster, on va donc s'écouter le titre Exile is Imminent, extrait de leur nouvel effort studio Churches Without Sense, déjà dispo chez Metal Blade, et en doublette un extrait du nouvel effort studio également de Cerebral Rot, ça on vous l'a présenté la semaine dernière, une nouvelle excellente sortie 20 Buckspin Records, on est sur du pur death metal venu du fin fond des cavernes, c'est ricain et c'est mortellement efficace. Cerebral Rot, le titre que l'on s'écoute tout de suite, Viliolk of Contagion, extrait de leur nouvel effort studio, Excretion of Mortality. C'est parti, Cerebral Rot, et juste avant ça, Desaster.

Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Normalement, c'est la dernière émission en différé de la saison. C'est l'avant-dernière de la saison. Et du coup, on espère fortement que dimanche prochain, on sera présent en direct dans les studios de Radio Béton avant notre pause annuelle estivale. Et puis, on espère surtout que, bien sûr, à la rentrée de septembre, on pourra reprendre... régulièrement en direct. Doublette suivante, nous avons tout d'abord Bosque. Bosque, groupe qu'on vous a présenté la semaine dernière, formation anglaise qui officie dans le style sludge atmosphérique post-hardcore, assez proche d'un Cult of Luna. D'ailleurs, le titre de la semaine dernière qu'on vous présentait, voyez en guest monsieur Johannes Persson, bien sûr membre de Cult of Luna. Et en doublette avec Bosque, on va tout simplement entrer dans l'aspect française avec le hardcore de Primal Age. Bosque, nouvel effort studio intitulé Migration, une sortie sur le label Death Switch Records. Primal Age, Masked Enemy, on va s'écouter le titre The Two Heads Monster. Et donc juste avant ça, Bosque avec le titre HTV 3. Et c'est parti! We'll be right back. On a donc attaqué l'aspect française et je vais de nouveau laisser la place à l'ami Thibaut qui va nous présenter et ben tout simplement le second focus de l'émission d'aujourd'hui. C'est parti. Bonsoir à tous, on attaque le second focus de la soirée et ce sera le dernier pour aller voir du côté de Rouen l'excellent groupe de black metal Sordide qui sort là son quatrième album intitulé Les Idées Blanches. Un album qui s'inscrit dans une discographie qui est assez qualitative, voire très qualitative. En 2014, ils ont sorti l'excellent album La France a peur, un album que j'ai personnellement vraiment adoré. Il a été suivi de Fuir la lumière en 2016. Alors pour le coup, c'est l'album que j'aime le moins du groupe, bon, je le trouve un peu moins intéressant. Et donc en 2019, ils avaient sorti l'excellent Hier déjà mort, un album que j'ai également adoré. Alors je saurais pas dire lequel j'ai préféré entre La France a peur et Hier déjà mort. Les deux sont vraiment très très cool. D'autant plus que bon ben Sordide c'est un groupe qui a beaucoup d'influences. Alors c'est pas forcément très marqué, mais les influences sont là avec beaucoup de punk dans ce qu'ils font. Que ça soit d'ailleurs dans l'aspect composition des morceaux, mais aussi dans les thèmes abordés, parce que ben, ils traitent pas mal de sujets de société. Et notamment, on a quand même pas mal de messages qui tournent autour de la lutte contre les mouvements d'extrême droite. C'est des sujets qui sont pas fondamentalement très abordés au sein de la scène black metal. Et bah justement, à contrario de pas mal de groupes de punk qui ont une écriture très directe et frontale, Sordide y va vraiment avec un gros travail d'écriture et une plume qui est assez acérée. Et je trouve ça assez chouette, et en fait, bah, je trouve que ça contribue vraiment à forger une identité très forte au groupe. Et donc, ce nouvel album, bah, il est vraiment très très cool. Il est signé Les Acteurs de l'Ombre. Alors, je suis un peu surpris parce que le groupe a quand même un son très très très raw et très cru. Et bah, ça colle pas forcément avec le roster habituel de ce label. Mais voilà, bon, le label, il a quand même le nez pour trouver les groupes qui sortent du lot et pour trouver des petites pépites. Et Sordide le mérite largement. Donc voilà, après bon bah ce nouvel album ça reste dans la continuité de ce qu'a proposé Sordide jusqu'ici. C'est un black metal qui est froid, qui est assez raw, qui rend des ambiances qui sont oppressantes et assez épuisantes à écouter parce que bah ça y a un petit peu cet aspect punk derrière qui clairement tabasse le crâne, mais bon c'est ce qu'on attend un petit peu du groupe. Et justement tout ce qui fait l'identité je trouve de Sordide c'est que ce côté agressif et un peu punk est tranché par des compositions qui sont très riches. On a des influences qui viennent de plein plein de choses, et bah j'en profite d'ailleurs parce que les membres du groupe sont dans d'autres projets, et il y a notamment le guitariste-chanteur qui est dans l'excellent groupe de Funeral Doom, Ataraxy, que je vous recommande d'écouter parce que c'est vraiment un petit bijou. Et justement, sans repousser les limites de scale black metal, on sent que Sordide a pas du tout l'ambition ni la volonté de faire quelque chose qui soit du pur black metal traditionnel dans les règles, et y injecter vraiment quelque chose de très personnel, et ça se ressent d'autant plus sur ce nouvel album. Et donc pour conclure le focus, on va s'en écouter un morceau. Pour ce soir, j'ai choisi le morceau Latrabilaire. C'est personnellement celui que j'ai le préféré sur l'album. Je trouve très représentatif et vraiment chouette à écouter. Voilà donc sans surprise un focus sur sordide groupe qu'on apprécie particulièrement dans l'émission. L'album est déjà dispo chez les Acteurs de l'Ombre et pour s'illustrer ce très bon focus, on va s'écouter le titre Latrabilaire, extrait de leur nouvel effort studio Les Idées Blanches. Dans la foulée de Sordide et en doublette, on va s'écouter un titre du nouvel effort studio des Déceux de Nefrenka, encore une sortie hautement qualitative signée Dollar M Records, From Agony to Transcendence, quatrième effort studio de Nefrenka, et on s'écoutera le titre L'agonie de l'épice, toujours bien sûr inspiré du concept du film Dune.